Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Nous avons Jean-François qui est avec nous maintenant. Salut JF. Salut. Salut, comment ça va JF de Durbuy? Ah, oh, ça va. Bon, oh, ça va, tranquille, Ça va, tranquille, pépère à l'aise. Oh, tu vois, mais ça ouais, va. Pépère en place. Bon, JF, t'es pas à l'école à cette heure-ci, toi? Si, mais ça va bientôt sonner, donc... Ah ouais, bon, ah on va aller vite fait, je rappellerai la petite question qui colle juste après. Bon, t'appelles pour la petite déclaration express. Tu veux qu'on appelle qui? Attends, je t'entends mal. Je disais, tu veux qu'on appelle qui pour la déclaration express? Ta copine ou ta future copine? Ma future copine. Comment elle s'appelle? Marion, d'accord, c'est parfait. Tu l'as rencontré comment, à l'école ou ailleurs? Ouais, à l'école. Et quoi? Bah, c'est tout. D'accord. Bah, il espère là, voilà. Ah, c'est le répondeur, mince. Bon, dis-lui, voilà, j'ai un truc à te dire, écoute, et on le ferait derrière avec Sébastien Loeb. Vas-y. Bisous. Parce qu'elle coupe son téléphone à l'école. Ouais, Marion, écoute. C'est bref. Ça démarre lentement, enfin. J'ai peur de ce qu'il va dire. Tu peux. La la ta ta la la. Pour l'instant, la ta ta. La la la la. La la la la. La la la la. Direct quand je t'ai vu en cours, j'ai flashé sur toi. Alors que les autres mecs disaient je la bourre, moi je flashais sur toi. La, la, ta, j'ai tapé la, la, la. Tous mes potes, je regrette pas. Parce que je flashais sur toi. Ouais, je flashais sur toi. Ouais, je flashais sur toi. La la la ta ta la la. Je t'ai pas encore avoué, mais bon, écoute ça. Un jour tu es sorti de ta classe, je venais vers toi. Au moment de venir te parler, un truc se passa. Sur moi, je me suis fait caca. Oh. Ouais, j'ai fait caca. Je me suis fait caca. La la la ta ta la la. La morale de cette chanson, tu dois l'écouter. Il va quand même pas attendre ta majorité. Alors si une chance tu pouvais lui donner, t'inquiète, il se foutra pas de toi et il attendra. Pour demain, non, ça va aller, c'est bon, on a compris, bah, t'inquiète pas, hop là, voilà. Bon, bah, j'espère que ça t'aura plu, Marion, la petite chanson, la petite déclaration express, et toi aussi, JF, hein. Ok, merci. T'as aimé, t'as bien écouté ou pas? Si, j'ai aimé. Bon, bah, écoute, bon, bah tiens-nous au courant. Hein. Bah, tiens-nous au courant, JF, et puis bon cours aujourd'hui, hein. Ok, merci. Salut, JF, ciao. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Donc je disais qu'il fallait que je vous parle d'une émission qui va arriver bientôt sur Plug RTL et ça va s'appeler Les Ch'tis à Ibiza. Oh mais ouais, mais ça, c'est comment je veux dire, c'est je sais plus ce que oui, je veux dire. Une émission de gobelins, encore une fois. Tu voilà, vois, c'est voilà. Ça, c'est ça. Non, mais ouais, une émission de grands crétins. Ah, de grands crétins. Bon, je sais pas comment ils font, les mecs, hein, qui produisent ce genre d'émission pour arriver à toujours trouver des cas comme ceux-là, des cas sociaux, quoi. C'est vraiment ça. Toujours plus con les uns que les autres. Ouais, mais tu sais, quand ils trouvent plus dans le Nord, en fait, ils viennent en Belgique. Comme ça, le monde entier pense qu'il y a que des débiles en Belgique. Ouais, mais c'est peut-être un peu ça, ouais. Bon, et pour cette émission-là, les Ch'tis à Ibiza, j'ai déjà les présentations des candidats et il y a encore du très très lourd avec, par exemple, écoutez. Eh bien, c'est Jordan. Yep, je m'appelle Jordan, j'ai 18 ans et j'habite à Lomme. Moi, franchement, les meufs, c'est super facile. J'en ramène 4-5 par soir. Moi, j'ai déjà dépassé la barre des dizaines. Je fais un gros carnage. Toutes les nanas sont à mes pieds, je sais même pas comment je fais. Eh oui. Effectivement. On peut se demander comment il fait. Peut-être l'odeur, on ne sait pas. Ah, ben je sais pas. C'est peut-être ça qui les fait tomber. Et Julie, est-ce que tu tombes amoureux d'un mec qui fait. Yep. Yepa. Non. Non, d'accord, ok. Mais il y a pire, je peux vous présenter également Christopher si vous le souhaitez. Écoutez bien Christopher. Je m'appelle Christopher, j'ai 24 ans et je viens de Tourcoing. Coin. Voilà. Ah, d'accord. Et tu viens de Tourcoing. Je suis sûr qu'il l'a pensé pendant très longtemps. Il s'est dit, je vais passer à la télé, il faut que je me trouve une vanne. Voilà. Et donc vous pensez qu'on a touché le fond, hein, mais pas du tout. Voici donc le poète de cette émission, le roi de la conjugaison, le champion du monde du bon usage de la langue française. J'ai nommé, mesdames et messieurs, Vincent. Si je serais une fille, entre guillemets, si je serais une fille, j'aurais jamais dit, par exemple, vas-y, on va sortir en discothèque. Oui. Et voilà. Donc une très grande phrase hein, qui nous montre bien que si Vincent irait plus souvent à la bibliothèque, eh ben il passerait moins pour un con. Hein. Ouais. C'est ça. Hein, voilà. Mais heureusement pour eux, à Ibiza, les gens parlent espagnol. Du coup, ils se rendent moins compte du drame de la langue française. C'est vrai. Mais on a parlé que des nègres, mais il y a aussi des filles hein, dans le jeu. Alors, je vous présente Dena, donc qui a dû aller à la même école que Vincent. Donc, écoutez Dena, qui a l'air fort sympathique. J'étais en extase, envie de participer à la fête. Oui, j'étais en extase. Oh, oui, c'est un nouveau mot. Hein. Non, c'est une nouvelle drogue. Hein. C'est l'extasie. Et a priori, elle est super violente. Ah ouais, ouais. Donc, ça s'appelle les Ch'tis à Ibiza et ça arrive très bientôt sur Plug RTL. Je vous le remets, donc spécial dédicace à tous les profs de français qui nous écoutent maintenant. Si j'ai une fille, entre guillemets. Si je serais une fille, entre guillemets. Si je serais une fille, j'aurais jamais dit, par exemple, vas-y, on va sortir en discothèque. Voilà, et notre amie Dena. J'étais en extase, envie de participer à la fête. Et un petit message pour Julie. Yepa. Eh ouais, yepa. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Et oui, nous sommes là chaque matin à 7h47 et tous les matins à 7h moins quart, 8h moins quart et 9h moins quart, c'est la ligne anti-relou. Et il y a du lourd ce matin. Et il y a du lourd ce matin, effectivement. Nous avons d'ailleurs le premier de ce matin. C'est un gars très charmant, écoutez. Samantha, toi qui disais que t'avais jamais vu un mec comme ça, ben rappelle-moi. Oh là là. Je le remets. Samantha, toi qui disais que t'avais jamais vu un mec comme ça, ben rappelle-moi. Oh là là, moi il me fait peur. Ce vieux rire de sadique. Ah oui, c'est bon. Vraiment ça, c'est vraiment un bon vieux rire comme ça. Non. Bon, ligne anti-relou, deuxième message maintenant, écoutez. Aurélie, c'est Alex. Je suis sur le parking du Mino ici, tu m'as donné rencard. Il y a une demi-heure, je suis là, je te vois pas. Non, moi je vois aussi des belles femmes rentrer. Je vais rentrer et me faire des femmes, moi. Allez, je rentre à l'intérieur et je serai là quelque part. Salut. Tu sais, ça fait un peu comme le mec qui veut taper sur quelqu'un. Et retiens-moi et personne ne le retient, tu vois. Et c'est ça, allez. Et il va pas. Donc là il dit pareil, tu sais, je vais rentrer voir des femmes. Attention, je vais rentrer voir des femmes. J'y vais. Voilà, je vais rentrer voir des femmes. Allez, troisième message de me laisser sur la ligne anti-relou ce matin. Ouais, Martin, c'est toujours Zaza. Tu m'as donné rendez-vous à la gare de Wii et je ne te vois pas. Alors, je te sens, je te demande pour savoir où tu es. Et dépêche-toi parce que je suis dehors et c'est froid, quoi. Allez, tantôt, bah oui, voilà, ça y est, c'est fait comme ça. Ouais. Bon, eh ben voilà, la ligne anti-relou, elle est faite pour vous, les filles. Surtout les filles, même si pour les mecs aussi d'ailleurs. C'est bizarre, on a quand même pas de filles reloues qui laissent des messages. Donc je pense que définitivement, ça n'existe pas, les filles reloues. Ça ne peut être que des mecs. Elles sont peut-être, à mon avis, un peu plus intelligentes, je pense. Ah oui, ça certainement. Mais je crois qu'il doit y avoir de ça. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizé Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. À la radio. On va continuer à faire chier le monde, Toff, encore une dernière fois ce matin. Hein. Mais oui. C'est normal, il faut savoir emmerder les gens. Mais oui, on avait appelé à Wolverhampton tout à l'heure, on avait appelé à Bruges également, ça s'était plutôt mal passé. Hein. Oh. Donc je rappelle le concept, donc tu les appelles pour essayer de faire transformer des excréments en or. Oui, c'est ça, nous appelons les familles caca ce matin. Voilà. Pour leur demander si elles peuvent nous en donner un petit peu. Grâce à l'info que Julie a dit hier, puisqu'elle a dit qu'on pouvait transformer aisément du caca, en l'occurrence, en or. Mais non, voilà. Les garçons, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai expliqué qu'il y avait un Irlandais qui avait essayé de le faire, mais il a juste réussi à mettre le feu à son immeuble. Ouais, à un moment, je m'étais cru dans Hélène et les garçons. Mais non, les garçons, c'est pas ça que vous racontez. Allez, on va jouer dans le garage. Moi, je ne dirais qu'une chose, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est pas faux. Bon, allez, on y va, on appelle à Bruxelles cette fois-ci, la capitale. Oui, la capitale. Allez, c'est parti. Voilà. Pas sûr que ça décroche en plus, hein, mais bon, ça va, 8h54, on a nos chances. Je rappellerai l'énigme aussi, juste après. Allô. Oui, bonjour madame, je suis bien chez Kaka? Midlands? Non, je parle que français. Ouais. Allô? Oui, bonjour monsieur, je suis bien chez monsieur et madame Kaka? Oui? Oui, voilà. En fait, je vous appelle parce que je suis sur le point de réaliser une expérience exceptionnelle. Je vais pouvoir fabriquer de l'or. Et donc en fait pour ça j'ai besoin d'une matière que vous êtes, que c'est vous qui fabriquez. J'ai besoin de votre caca. Complètement. Ben, vous voyez toilette. Yeah. Oui, toilette. Vous comprenez toilette. Oui. Voilà. Et toilette, plouf. Plouf. Plouf, l'eau. Vous avez compris ça? Non. Mais si. Hein? Toilette, plouf. Plouf, l'eau. Vous comprenez? Yeah, plouf, yeah. Voilà, voilà. Eh ben, le plouf, vous me le donnez. Qu'est-ce que c'est? Téléphoner ce matin? Ben, oui, mais c'est parce que après vous l'aurez fait et il sera déjà parti. Alors il faut que je le récupère avant. Tu vas pas laisser à Belgique ou... Oui. Moi je suis en Belgique, oui. Où? Ah, moi je suis à Bruxelles. Bruxelles? Oui. Bon. Quel contact toi, madame. Oui. Moi, je comprends pas, monsieur. Bon, je vais faire plus simple. Quand vous allez aux toilettes, stront. Moi, j'ai compris ça. Oh. Ah, ben voilà, ben, moi, acheter. Eh ben, acheter que dalle, hein. Acheter que tu vas. Hein, acheter qui t'a raccroché au nez, tu vois, c'était, on était à deux doigts d'hier. Ah, ouais. Hein. D'aller te faire foutre. Voilà, c'était, on y était, mais vraiment à deux doigts. Hein. Ouais. C'est vraiment dommage. Non, enfin, on était bien. On était pas mal. Bon, ben, donc un échec total, personne veut te la vendre. Hein. Ouais, je suis très déçu. Pourtant, tu voulais l'acheter. Hein. C'est triste. Bah, oui. C'est quelque chose qu'ils vont pas vendre de toute façon, donc c'est dommage qu'ils le fassent pas. Nickel à la radio, le replay. Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Nous avons Love maintenant depuis le boulevard de Waterloo à Bruxelles, t'es là? Oui, je suis là. Très bien, avec un son bien dégueulasse, mais c'est pas très grave, en même temps c'est notre standard qui est comme ça, on va le changer bientôt, rassurez-vous. Lab, alors, donc un petit réveil la Belgique, tu as prévu le mégaphone? Oui, le mégaphone est parfait. Bon, bah tant mieux, très bien. Et bah voilà, je pense que tout est prévu, tu vas pouvoir y aller maintenant, Love alors, hein? Eh ben, c'est parti, on y va. Très bien. Voilà. Je vais t'expliquer de ne pas crier dans un mégaphone, car le mégaphone était fait pour. Hein. J'ai failli lui rappeler, mais je me suis dit que bon, il avait compris quoi. Bah non. A priori non. Bah non, apparemment pas. Oui, en tout cas, le boulevard de Waterloo, effectivement, ouais. Bon bah très bien, alors tu peux revenir pour la déclaration express dans 40 minutes. Ok, allez, là, tout de suite. Voilà, et si vous êtes fait réveiller par Sébastien Loeb ce matin, là, depuis le boulevard de Waterloo à Bruxelles, n'hésitez pas à nous le signaler aussi, hein. 3044 par SMS, je compte sur vous. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour, c'est Katia Estérica. Tous les matins, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël. Fun. À la radio. Les infos Fun Radio. Marie Audrey. Bonjour à tous. Coup de pression sur les négociateurs. La Belgique pourrait être contrainte de devoir débourser 708 millions d'euros en janvier prochain si aucun budget et mesures structurelles d'économie ne sont déposées d'ici la mi-décembre. Bref, une sanction financière qui vise à rappeler à l'ordre les pays qui laissent déraper leurs finances publiques au-delà de 3% de leur richesse. 708 millions d'euros à débourser, voilà une bonne raison d'accélérer le mouvement et d'enfin boucler un budget pour l'année 2012 à bon entendeur. Et puis si vous avez prévu de prendre l'avion le 21 novembre, eh bien cette info vous concerne. En effet, il y a de fortes chances pour que le personnel de la compagnie Brussels Airlines fasse grève ce jour-là. En cause, eh bien l'incertitude du personnel quant à l'avenir de la compagnie. De nombreux vols en hiver seront probablement annulés pour tenter de sortir Brussels Airlines du rouge. À défaut d'éclaircissement sur la situation, le personnel maintiendra donc la grève ce 21 novembre. Les Belges ont le pied lourd, c'est une certitude. En 2011, près de 105 000 PV ont été enregistrés pour excès de vitesse, soit plus du double de l'année passée. Et c'est en province de Liège qu'ils sont plus nombreux. Ils effectuent à eux seuls plus de 40% des constats. A noter toutefois que c'est le radar situé à Champion en province de Namur qui fonctionne le plus avec 14 383 flashs effectués. Cela a déjà rapporté plus de 5 millions d'euros aux finances publiques. À croire que vous êtes nombreux à vouloir aider le pays à rembourser ses dettes. Bon allez, on s'évade un peu de notre belle les planètes et ces infos pas très réjouissantes pour faire un petit tour du côté de la planète Mars. La NASA a annoncé que Curiosity, un robot d'exploration très sophistiqué et puissant, serait lancé ce 25 novembre vers la planète Mars. Le but étant de chercher pendant près de 2 ans des traces d'une vie passée. Puis du côté du sport, des nouvelles de nos Diables Rouges, Vincent Kompany et Yann Vertonghen sont incertains pour le match amical que disputeront les Diables Rouges face à la Roumanie ce soir à Sclessin. Kompany a reçu un coup direct au genou et Vertonghen s'est légèrement blessé un orteil lors de l'entraînement hier matin. Alors Belgique ou Roumanie, verdict ce soir. Et puis du côté de la météo, le soleil dissipera rapidement les voiles de brume des premières heures et permettra à nouveau aux températures de grimper nettement durant l'après-midi. Les températures oscilleront entre 10 et 14 degrés. Voilà pour l'info, bon réveil à tous, on se retrouve dans une demi-heure. Bonne journée à tous. Fun Radio. Fun Radio. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. La ligne anti-relou chaque matin sur Fun Radio. Ligne anti-relou qui vous a certainement à un moment ou un autre sauvé. Car oui, elle est là aussi pour vous débarrasser de tous les relous, que ce soit dans des boîtes, que ce soit en discothèque, des mecs qui viennent vous draguer, que ce soit votre patron, que ce soit, je ne sais pas, votre directeur, votre prof, un ami d'un ami qui est relou. Vous voulez vous en débarrasser, dites-lui, bah écoute, bah je te file mon numéro, j'ai pas le temps là, mais rappelle-moi si tu veux au 0 473 86 00 13, c'est mon numéro, bah écoute, tu m'appelles quelque part dans la journée. Hop là, le mec va se dire ok, pas de problème, je l'appellerai plus tard. Et au final, vous en êtes débarrassé. Voilà. Ça a pu sauver des gens, comme par exemple, cette personne-là. Ouais, allô, Laurent. Bonjour, c'est Fab. Je t'appelle tout simplement parce qu'on était censé se voir ce matin à 9h et que là, ça fait précisément 1h17 que j'attends. Oui. Donc, c'est pas que je m'ennuie, mais c'est quand même un peu froid dehors. Ce serait gentil de quand même me rappeler. Hein. Tu as mon numéro, donc à tout à l'heure. Au revoir. Hey, je pense qu'il va attendre pendant encore un petit bout de temps, à mon avis, malheureusement. Probablement, oui. Très probablement même. Bon, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Attention, écoutez bien. Oui, allô, c'est Sacri. On s'était donné rendez-vous derrière la gare, mais je te vois pas, c'était 2 heures que j'attends. Ouais. Là, il fait peur, celui-là. Tu me donnes envie, tu sais. Ah, j'ai envie de m'amuser. Ah oui. Allez, bisous. Ah oui, oui, allez. C'est pas bisous. Possible, non, allez, quoi. Allez, bisous. Ouais. Et enfin, le dernier message laissé sur la ligne anti-relou pour ce matin. Oui, bonjour Jennifer, je t'ai ajouté sur Facebook, je te trouve vraiment sublime, si tu fais ma connaissance, y a pas de souci. Je te dire, t'avouer que je me masturbe régulièrement en regardant des photos, tu es vraiment trop craquante. Eh oui, tu es trop craquante. Ne pas dire voilà. Ça aux filles, arrêtez tout de suite ça quoi. Vous le savez maintenant, la ligne anti-relou, c'est tous les matins, 7h, 7h moins quart, 8h moins quart et 9h moins quart. Merci Julie d'avoir après suivi. Après 3 mois, tu as enfin ça fait repris. Plaisir. C'est bien. Moi je donne pas les réponses à l'antenne. Mickaël. À la radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Mickaël à la radio. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Donc on va continuer à appeler des gens, Tof, puisque depuis tout à l'heure, t'essaies de refourguer ta mère. Ouais, c'est ça, parce que je viens de trouver en fait un site qui s'appelle ventamère.com. Ouais. Ils font une pub qu'on mettra tout à l'heure sur mickaël.fm. Ouais. Mais donc en fait, en gros, le site il dit besoin d'argent, pense à maman. Hein, et donc du coup, le principe c'est que tu mets la photo de ta mère, tu mets un descriptif sur le site, genre ce qu'elle fait dans la vie, ce qu'elle aime, etc. Et non, mais c'est une connerie ce site. Oui, il y a des chances, mais bon, si je peux me faire un peu de thune, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Bon, attends, c'est on avait, ouais, c'est ça. On avait appelé à Mété tout à l'heure. On va appeler où maintenant là? Ça te branche? Si tu veux, Sren, c'est bien. Sren. On appelle à Sren. Eh ben, ouais, c'est parti. Sren. On y va. On appelle à Sren maintenant. Allez hop là. Ouais, essayer de refourguer ta mère, c'est pas gagné. Proposer des fleurs pour la réponse à la devinette, c'est faux. C'est généralisé, on offre ça à n'importe qui, hein, garçon, fille. Allô? Oui, bonjour madame, le site jevantamère.com à l'appareil. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai une offre exceptionnelle à vous faire aujourd'hui sur une mère pratiquement neuve qui n'a quasiment jamais servi et qui pourrait en vendre tous les services du monde. Dites, monsieur, il est 7h du matin. Oui, ben justement, je vous appelle parce que c'est une offre exceptionnelle, c'est une vente flash, c'est un produit qu'il faut saisir immédiatement. Non, monsieur. Vous ne pouvez pas passer à côté de cette mère, hein, ce sera... Non, allez. Allez. Enfin, il est plutôt plus proche des 8h que des 7h, mais enfin bon, on va pas lui en vouloir. On va pas chipoter, elle a ouvert qu'un œil, elle a vu que la moitié du réveil. Elle a vu 7, elle s'est dit bon, bah 7h c'est bien. Allez, on va la rappeler, hein, elle avait l'air charmante. Dites, monsieur, 7h du matin. Bah oui, écoutez. Ça arrive même au meilleur. Hein. Allô? Oui, je n'ai pas eu le temps de vous donner le prix exceptionnel de cette mère. Dites, monsieur, c'est une blague ou quoi? Mais pas du tout, madame. C'est notre tout nouveau site, ventamère.com, qui vous fait une promotion ce matin. Monsieur, ça ne m'intéresse pas. Mais enfin, vous ne pouvez pas passer à côté de cette offre, madame. Dites, monsieur, j'ai un bébé, moi, ici. Vous allez arrêter de m'ennuyer, oui? Mais justement, si vous avez un bébé avec ventamère.com, vous allez avoir une mère qui va pouvoir s'en occuper pendant que vous ferez autre chose. Je vends tonpère.com, ça va ou non? Ouh. Oh là là là là. Attention, elle vend ton père. Eh oui, il y a eu de l'agressivité dans cette affaire là. Attention, ouais. Attention. Oh, tu embêtes même les jeunes mamans. Mais oui, mais ouais, c'est dramatique. C'est dramatique. Alors, si j'avais pu la serrer. Mickaël à la radio, le replay. Fun radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Les infos Fun Radio. Marie Audrey. Bonjour à tous. Coup de pression sur les négociateurs. C'est un très long week-end qui les attend. Les représentants des 6 partis se retrouveront dès 15h pour un conclave budgétaire. En clair, ils doivent trouver 11 milliards d'euros en 3 jours. Une somme nécessaire pour clôturer le budget 2012. Voilà une bonne raison d'accélérer le mouvement. Et puis, si vous avez prévu de prendre l'avion le 21 novembre, eh bien, cette info vous concerne. En effet, il y a de fortes chances pour que le personnel de la compagnie Brussels Airlines fasse grève ce jour-là. En cause, eh bien, l'incertitude du personnel quant à l'avenir de la compagnie. De nombreux vols en hiver seront probablement annulés pour tenter de sortir Brussels Airlines du rouge. À défaut d'éclaircissement sur la situation, le personnel maintiendra donc la grève ce 21 novembre. Puis les Belges ont le pied lourd, c'est une certitude. En 2011, près de 105 000 PV ont été enregistrés pour excès de vitesse, soit plus du double de l'année passée. Et c'est en province de Liège qu'ils sont plus nombreux. Ils effectuent à eux seuls plus de 40% des constats. À noter toutefois que c'est le radar situé à Champion en province de Namur qui fonctionne le plus, avec 14 383 flashs effectués. Cela a déjà rapporté plus de 5 millions d'euros aux finances publiques. À croire que vous êtes nombreux à vouloir aider le pays à rembourser ses dettes. Après les CD, les DVD, les posters et autres objets de collection, place au lit de mort de Michael Jackson. Le lit dans lequel la star a poussé son dernier soupir, ainsi que de nombreuses autres pièces de mobilier de sa maison, seront mis aux enchères au mois de décembre. On peut se demander jusqu'où ira la famille Jackson. Et puis du sport maintenant, avec des nouvelles de nos Diables Rouges. Vincent Kompany et Yann Vertonghen sont incertains pour le match amical que disputeront les Diables Rouges face à la Roumanie ce soir à Sclessin. Kompany a reçu un coup direct au genou à Vertonghen. S'est légèrement blessé un orteil lors de l'entraînement hier matin. Alors Belgique ou Roumanie, verdict ce soir. Puis bonne nouvelle pour Roger Federer, le joueur s'est qualifié au sprint pour les quarts de finale du Master 1000 de Paris-Bercy en battant Richard Gasquet. Du côté de la météo, le soleil dissipera rapidement les voiles de brume les premières heures et permettra à nouveau aux températures de grimper nettement durant l'après-midi. Les températures oscilleront entre 10 et 14 degrés. Voilà pour l'info. Bon réveil à tous à l'écoute de Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizée Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. Fun. À la radio. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Et tous les matins, effectivement, 7h10, 8h10 et 9h10, on vous rembourse vos factures. Pour savoir comment faire pour qu'on vous rembourse vos factures, je vais y arriver. Eh bien, ce n'est pas. difficile là. Ouais, ouais, bah, c'est un peu difficile. J'ai de plus en plus du mal là. Non, ça va, attends, il s'est tordi, tu rigoles ou quoi? Non, bah, c'est ça qui m'inquiète justement. T'inquiète justement. Et bien, pour qu'on vous rembourse vos factures, il faut vous inscrire au 6322 en débutant votre message par facture. Il y a eu pas mal de messages qui sont arrivés pour l'instant. 98€ pour Electrabel, c'est le gaz pour Olivier. Il y avait quoi également? 88€ pour Proximus, 43,50€ pour le micro-ondes, 60€ pour un fer à lisser, 30€ pour une carte recharge téléphone portable, 15€ aussi pour une autre carte recharge portable, pourquoi pas. Et bien nous allons appeler maintenant, c'est parti, on va rembourser 43,50€ pour le micro-ondes justement. Donc on appelle cette personne, si il ou elle décroche et répond convenablement à la question que je vais lui poser, et bien ce sera bingo jackpot dans sa poche, nous rembourserons immédiatement la facture. Allez c'est parti, je ne sais pas où on appelle, mais en tout cas on appelle, c'est sûr. Ça sonne, c'est magnifique. Bien joué là. Allô. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, qui rembourse les factures le matin? Bien sûr, c'est Frère Labella. Bien sûr. Et ben voilà, bonne nouvelle. Comment tu t'appelles? Hervé Truec, quel âge es-tu, dans quelle ville Hervé? J'ai 23 ans, je suis au centre-ville de Liège. Très bien. Un vrai liégeois. Eh oui, allez, le standard. Ah ouais, c'est ça, ouais. Bah écoute. C'est pas le moment de dire ça. Hein. Ah si, parce qu'il joue en Europa League après-demain. Donc il va falloir quand même qu'il se sorte un peu les doigts du cul là, pour mettre des buts là. Hein, parce que bon, 5-0 là, c'est dommage. Mais bon. L'Europa League, après. C'est facile à dire, mais est-ce que tu sais marquer un goal seulement? Mais tu rigoles, mais en évidemment. Fait, on critique, mais on n'est même pas capable de marquer un goal. Donc, mais si, attends, j'ai fait du foot, je sais marquer des buts, tu sais. Oui, bien sûr. Contre Anderlecht, je suis pas certaine. Ah non, contre Anderlecht, je sais pas. J'ai déjà fait contre le Real, Barça, tout ça. Donc Anderlecht, je sais pas si j'arrive. Mais après, faut voir. Bon, Hervé, alors, tu t'es inscrit donc pour contre en bourse. Eh bien, un micro-ondes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Eh ben, 43,50€. Hein, tu veux nous envoyer la copie de ta facture et puis nous, on va te faire un petit virement directement de 43,50€ sur ton compte en banque. Ah, merci, c'est bien, très gentil. Avec plaisir. Avec grand plaisir, Hervé. Eh ben, passe une bonne journée, Hervé. Merci à vous, au revoir. Salut, reste au standard, on prend tes coordonnées, surtout bouge pas de là. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins. Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Exactement, c'est l'horoscope ce matin et même ce 11 novembre. Évidemment, il faut savoir qu'il y a un horoscope, n'est-ce pas, Dodo? Oui, alors là, encore une fois, je me suis fait avoir. Hein. Vous m'avez dit que c'est un congé, c'est pas congé. Hein. Oui, mais bon, enfin, c'est congé, mais c'est pas pour les trois pauvres horoscopes là, que vous faites. C'est pas plus la mort. C'est pareil, hein. Moi, je fais que 3 horoscopes la semaine, alors moi, je pense que j'avais congé. Oui, bon, bah arrêtez de discuter. Même bon. Julie, elle est pas là. Oui, bah Julie n'est pas là, bah c'est comme ça. Bon, c'est pas grave. Elle est très jolie, la madame qui l'a en place. Oui, hein, je vous la présenterai si vous voulez. Avec plaisir. Voilà, Marie-Audrey, je vous la présenterai. Bon, alors, Doudou, on va commencer par les béliers, ce 11 novembre. Oui, alors les béliers, ça ne vous aidera en rien de repousser les poids. Très bien. Les taureaux. Mettez vos comptes par écrit, ça vous aidera. Les gémeaux. Vous avez le sentiment que votre vie tourne au ralenti et ça ne vous convient pas, alors bougez vos fesses. Les cancers. Aujourd'hui, vous avez besoin de beaucoup de câlins. Si vous êtes cancer, appelez-moi. Mais on imagine bien, Dodo. Les lions. Laissez tout en plan et concentrez-vous sur vous-même. Les vierges. Soyez prudents. Votre partenaire et votre famille sont de bons soutiens pour les temps difficiles que vous traversez. Les balances. Des bonnes idées vont avoir des conséquences positives sur votre vie professionnelle. Les scorpions. Soyez plus optimistes, cela vous aidera. Les sagittaires. Travaillez un peu à votre faculté de faire des compromis. Les capricornes. Si vous vous mariez aujourd'hui, partez du principe que cette union ne durera pas longtemps. Les verseaux. Prenez l'avis de votre partenaire. À deux, on voit mieux. Et enfin, pour terminer, les poissons, Dodo. Vous avez besoin de repos. Beaucoup de sommeil et une alimentation légère vont vous aider ce week-end. Ah ouais, vous êtes poisson, Dodo? Ah non, pas du tout, mais moi je prends toujours le signe qui m'arrange. Ah d'accord. Bon, ben merci pour cet horoscope. Ben de rien, avec plaisir. Hein. Enfin, plaisir vite fait, quoi. Oui, ben on l'imagine bien. Allez, au revoir. Oui, au revoir. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Mickaël. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, espèce de petit... Mickaël, à la radio. Bon réveil tout le monde, dans un instant il y aura l'info avec Julie comme d'habitude. Et puis aujourd'hui on va voir que bien écrire c'est pas forcément donné à tout le monde. J'ai trouvé sur le net un mec qui essaye d'épeler des mots et on commence avec un mot relativement simple, festival. Ouais. Et alors écoutez bien, il essaye donc il épelle. Hein. Voilà. Festival S-E-P-E-L-I. Je recommence. Ouais. Festival S-E-P-E-L-I. F-E-P. Festival S-E-P-E-L-I. P-E-P-E-L-I. Donc, oui, festival quoi. Festival, voilà, c'est comme ça qu'il l'appelle le gars. Hein, donc, mm-hmm. C'est cours de français. Alors écoutez bien. Tu l'as trouvé où ce mec? Sur internet. Ah, alors évidemment, on va prendre un mot encore un peu plus facile. Hein. Place, comme la place, la grande place. Par exemple, voilà, c'est ça, écoutez. Place, S-T-P-E-N-E. Ah non, mais il a un grave problème en fait. Mais ça, il a vraiment un problème, non, effectivement. Tout, ouais. Tout se termine par P-E-L-E. Voilà. C'est ça en fait. Alors, évidemment, c'est un peu le problème de la génération SMS, hein, comme dirait ma grand-mère. On ne sait plus vraiment bien écrire. Alors on va quand même essayer un autre mot un peu plus difficile. Alors cette fois, c'est bourrique. Bourrique, M-U. B-I-T-I-N-U-T-U-N-I. T'as vu, il a changé la fin là. Il a quand même un peu changé. Hein. Et au final, c'était pas si difficile quand même. Bon, et alors, un petit dernier pour la route, c'est Saint-Michel. Vous connaissez Saint-Michel, hein? Saint-Michel, S-I-T-I-P-I-N-I-T-I-N-I. Voilà. Hein. Ce qui veut dire, si je pense qu'on l'écoute bien. C'est un peu italien, tout termine par I. Alors attention, si on réécoute bien, ça veut dire. Il dit quoi là? C'est Michel, S-I-T-I-P-I-N-I-T-I-N-I. Ça commence par Citipili, hein, pour lui en tout cas. Citipili Mini. Voilà, Saint-Michel. Ouais, c'est peut-être ça, peut-être pas dans la bonne langue, hein, mais ça doit. Ça doit... Peut-être qu'il le traduit en une autre langue. En fait. Bah oui, peut-être, ouais, c'est possible. Oui. C'est possible. Bon, nouvelle devinette qui. Mickaël à la radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Les infos Fun Radio. Marie Audrey. Bonjour à tous. Comme l'expression le dit si bien, l'habit ne fait pas le moine. Un entrepôt désinfecté était supposé abriter de la marchandise destinée aux brocantes. Seulement voilà, ce sont plus d'un millier de plants de cannabis qui ont été découverts dans cet entrepôt situé à Marché-Nopon, non loin de Charleroi. Un suspect a été interpellé, placé sous mandat d'arrêt. L'enquête pourrait mener à d'autres interpellations compte tenu de l'importance de cette installation, et c'est pas peu de le dire. Coup de pression sur les négociateurs, c'est un très long week-end qui les attend. Les représentants des six partis se retrouveront dès 15h pour un conclave budgétaire. En clair, ils doivent trouver 11 milliards d'euros en 3 jours. Une somme nécessaire pour clôturer le budget 2012, voilà une bonne raison d'accélérer le mouvement. Et puis, si vous avez prévu de prendre l'avion le 21 novembre, eh bien, cette info vous concerne. En effet, il y a de fortes chances pour que le personnel de la compagnie Brussels Airlines fasse grève ce jour-là. En cause, eh bien, l'incertitude du personnel quant à l'avenir de la compagnie. De nombreux vols en hiver seront probablement annulés pour tenter de sortir Brussels Airlines du rouge. À défaut d'éclaircissement sur la situation, le personnel maintiendra donc la grève ce 21 novembre. Les Belges ont le pied lourd, c'est une certitude. En 2011, près de 105 000 PV ont été enregistrés pour excès de vitesse, soit plus du double de l'année passée. Et c'est en province de Liège qu'ils sont plus nombreux. Ils effectuent à eux seuls plus de 40% des constats. A noter toutefois que c'est le radar situé à Champion, en province de Namur, qui fonctionne le plus, avec 14 383 flashs effectués. Cela a déjà rapporté plus de 5 millions d'euros finances publiques. À croire que vous êtes nombreux à vouloir aider le pays à rembourser ses dettes. Bon allez, on s'évade un peu de notre belle planète et ses infos pas très réjouissantes pour faire un petit tour du côté de la planète Mars. La NASA a annoncé que Curiosity serait lancé ce 25 novembre. Ce robot d'exploration très sophistiqué et puissant visera à chercher pendant près de 2 ans des traces d'une vie passée. Et puis, bonne nouvelle pour Roger Federer. Le joueur s'est qualifié au sprint pour les quarts de finale du Master 1000 de Paris-Bercy en battant Richard Gasquet. Une victoire au terme d'une partie impressionnante hier. Score final 6-2, 6-4. Du côté de la météo, le soleil dissipera rapidement les voiles de brume des premières heures et permettra à nouveau aux températures de grimper nettement durant l'après-midi. Voilà pour l'info. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Et nous avons avec nous maintenant Toff, qui est là pour le Mickaël Réveil à Belgique. Allô, allô. Allô. Ah, c'est très difficile. Est-ce que tu peux appuyer sur le bouton tel que je puisse t'entendre? Oui, c'est ce que je fais, hein. Voilà, parce que là, je ne t'entends absolument pas, c'est-à-dire que je devine ce que tu dis. Ah bon, bah pourtant, tout fonctionne, hein. Ah, voilà, là, c'était mieux, là, c'est moins bien. Bah, j'ai rien changé, et là, ça va mieux, là. Là, c'est beaucoup mieux. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Ah bah écoute, alors c'est qu'il y a un problème avec la table de mixage, mais c'est pas grave. Bon, alors, du coup, comment ça se passe? Écoute, ça se passe très bien. Alors, si tu te demandes où sont les gens à 7h20 le matin, ouais. Eh bien, je sais, ils sont à la gare. Ils sont à la gare. Ah, mais t'es à la gare du midi, là? Là, je suis à la gare du midi, ouais. Donc, en fait, je viens de me faire injecter une première fois, mais je ne lâche pas l'affaire. D'accord. Et là, je suis en train de courir dans la gare pour faire le tour et repasser dans le le truc de réservation par l'autre entrée. D'accord. Ah, t'es le truc de réservation où il y a tous les guichets là. Voilà. D'accord. C'est ça. Voilà. Le mec de sécu n'est pas là. Bon, je rentre. Vas-y. Hop. Parce que je vais maîtriser, j'en suis pas drôle. C'est bon. Allez, on y va. Ça y est. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. Lance-toi. Tous les matins, Michel, réveille la Belgique sur Fun Radio 104.7. Tous les matins sur Fun Radio 104.7, écoutez Michel sur Fun Radio. Le mec de la sécu, comment il va? Parce que les gens de la SNCB ne sont pas très drôles. Ils sont pas là pour ça, tu me dis. Tous les matins, écoutez Michel sur Fun Radio 104.7, de 6h30 à 9h30. Donc là, j'ai des mecs qui me courent derrière. Ah oui, d'accord. Très bien. Bon, on court plus vite que ça. Si je ne reviens pas tout de suite, c'est que je suis occupé. Oui, oui, bah, on a bien compris. Négocier, effectivement, voilà. ta libération. Donc, effectivement, voilà, je t'entends plus, donc je ne sais pas ce qui se passe. Pas de problème. Bon, effectivement, il était à la guerre. On a bien entendu cette belle voix douce. Le train en provenance de la guerre de Liège arrive sur le quai numéro 17. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour, Mickaël. C'est Alizé Poulitchek. Je voulais te dire quelque chose. Je t'aime. Mickaël. À la radio. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. La vie anti-relou chaque matin sur Fun Radio, 7h, 8h et 9h moins quart. Avec, attention, les meilleurs messages qui ont été laissés sur cette ligne anti-relou, le 0473 86 00 13. Les messages qui ont été laissés hier et des messages qui vont être certainement très nombreux ce week-end, puisque bon, forcément, c'est le week-end on sort les boîtes, les bars, les restos avec les copains, etc. Et donc forcément, on a toujours tendance... Des nids à relou. Exactement, des nids à relou, il n'y a que ça. Et donc, pour vous en débarrasser, à la place de donner votre numéro, et eh ben donnez-lui simplement le numéro qu'on met à votre disposition, 0473 86 0013. Allez, on écoute le premier message. Oui, allô, c'est Marie. Je t'ai essayé plusieurs fois et tu réponds pas, donc je sais pas si je dois laisser tomber ou si peut-être oui, il serait bon d'y penser. Une technique pour toi, je sais pas, pour qu'on voie plus souvent, j'en sais rien. Je me rappelle pas, je comprends pas, t'avais dit quoi, vraiment. Oh là là, ouais, se met à chialer, donc à la fin. Oh c'est bien, c'était pourquoi une technique pour toi pour qu'on se voit plus souvent. Bah oui, oui, ça marche bien d'ailleurs, ta technique, hein, comme tu peux le remarquer là. Bon, allez, deuxième message. Hey, salut Mimi, c'est Victor. Pour savoir, pour faire un plan au cul. Hey, salut Mimi, c'est Nico. Pour savoir, pour faire un plan au cul. Victor, il est. Ah, Victor, pardon, autant pour moi. Autant pour moi. Bon, allez, troisième message maintenant. Ouais, salut Émilie. Voilà, je sonne de la part de Victor. Écoute, il m'a dit qu'il était intéressé aussi pour le plan. Donc voilà, ce serait bien que tu le rappelles. Merci, tantôt. Voilà, donc mais ça c'est parfait, le voilà, ça... Non mais ça c'est le pote, hein. C'est le pote de Victor qui a rappelé. Comme ça on est tranquille au moins, hein. C'est bien. Bon, si vous voulez vous aussi profiter de ce numéro, la ligne anti-relou, 0473 86 0013. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. On va refaire chier le monde, Toff. Non, je peux pas te laisser dire ça. Bah, on va appeler des gens pour les prévenir de la fin du monde. C'est ce qu'on appelle les emmerdés quand même. Non, hein. pas du tout. Je ne peux pas laisser les gens dans l'ignorance. Ouais. Voilà, il y a ce bon pasteur américain qui a annoncé pour la troisième fois la fin du monde aujourd'hui. Oui, donc pas très fiable quand même. Hein. Non, Paco Rabanne avait bien annoncé un satellite sur Paris, donc bon. C'est vrai. Et donc une raison pour réveiller les gens, donc les prévenir de la fin du monde. Voilà. Et d'accord. Donc, je propose qu'on appelle immédiatement à Juprel. Mais oui, on avait appelé à Belœil tout à l'heure, donc on appelle à Juprel maintenant. Hein. C'est parti. Qu'est-ce qu'il ferait les gens sans nous là? Mais oui, ils seraient pas au courant. Bah, ils seraient pas là. Hein. C'est dommage. Allez, on appelle. Allô? Oui, allô. Bonjour, madame. Oui, c'est qui? Oui, bonjour. C'est le Messie, madame. Je vous appelle pour vous prévenir. C'est la fin du monde aujourd'hui. Nous allons tous mourir. Ouais. Allez. Nous allons mourir, madame, tous. Nous allons être engloutis par les flots. Mais je sais pas, c'est qui, je connais pas, moi. Le monde va être submergé aujourd'hui et nous serons tous morts demain. Ouais, c'est ça. Oui, madame. Ok. Et Vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas compris ce que je viens de vous dire. Nous allons mourir aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Quoi, pour les deux? Tout le monde. Mais oui, tous. On va tous mourir. Oui, salut. Au revoir, monsieur. Oh bah dis donc, elle t'a pas pris au sérieux là, elle, elle n'a pas compris, elle n'a pas pris l'ampleur du drame mais en compte, il faut la rappeler. On va la rappeler. Allez hop. Voilà. Alors. J'espère que c'est le monsieur qui va dire. Allô ? Mais vous ne comprenez pas ce que je vous dis, madame. Nous allons tous mourir. Tous. Vous comprenez ? Mais on va mourir aujourd'hui, monsieur. Non, le scandale, le comité raconte là pour moi. On va mourir, on va se casser les couilles de l'autre côté, ça va. Mais enfin, monsieur, je vous appelle pour vous prévenir et vous... Et vous me... Vous ne me dégagez pas, vous prenez vous-même. Mais c'est moi, c'est déjà prévenu. Vous ne me dégagez pas. Cool. J'espérais que le mec décroche parce que je l'entendais derrière en train de s'énerver dans le premier appel. C'est il chauffait. Je me suis dit que ce serait bien qu'il décroche. Et ben voilà, je suis content, il a décroché, tiens. Oui, ça il était de très très bonne humeur. Bah, fanculo, tu nous emmerdes avec le tonnerre de mourir et de mourir et de mourir. C'est bon, tu nous emmerdes. Tu nous emmerdes, fanculo, voilà. Non, mais sans déconner. Bon, on était à Juprel, donc apparemment le bon accueil. Hein. Oui, à Juprel, les gens sont sympas. C'est comme les camionneurs. Hein. Bon, ben on appellera dans une autre ville tout à l'heure pour les prévenir de la fin que la fin du monde est imminente. Imminente. C'est aujourd'hui, là, dans quelques heures. Tout à fait. Mickaël à la radio. Le replay. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Hey, assalamu alaikum, ici c'est monsieur Tom là. C'est moi ça. La famille, tous les matins, je suis avec Mickaël sur Fun Radio et croyez-moi, il pue vraiment de la gueule. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Fun Radio, on est ensemble, bande de cochons. Les infos Fun Radio. Marie Audrey. Bonjour à tous. Coup de pression sur les négociateurs. La Belgique pourrait être contrainte de devoir débourser 708 millions d'euros en janvier prochain si aucun budget et mesures structurelles d'économie ne sont déposées d'ici la mi-décembre. Bref, une sanction financière qui vise à rappeler à l'ordre les pays qui laissent déraper leurs finances publiques au-delà de 3% de leur richesse. 708 millions d'euros à débourser, voilà une bonne raison d'accélérer le mouvement et d'enfin boucler un budget pour l'année 2012, à bon entendeur. Et puis, si vous avez prévu de prendre l'avion le 21 novembre, eh bien, cette info vous concerne. En effet, il y a de fortes chances pour que le personnel de la compagnie Brussels Airlines fasse grève ce jour-là. En cause, eh bien, l'incertitude du personnel quant à l'avenir de la compagnie. De nombreux vols en hiver seront probablement annulés pour tenter de sortir Brussels Airlines du rouge. À défaut d'éclaircissement sur la situation, le personnel maintiendra donc la grève ce 21 novembre. Les Belges ont le pied lourd, c'est une certitude. En 2011, près de 105 000 PV ont été enregistrés pour excès de vitesse, soit plus du double de l'année passée. Et c'est en province de Liège qu'ils sont plus nombreux. Ils effectuent à eux seuls plus de 40% des constats. A noter toutefois que c'est le radar situé à Champion en province de Namur qui fonctionne le plus avec 14 383 flashs effectués. Cela a déjà remporté plus de 5 millions d'euros aux finances publiques. À croire que vous êtes nombreux à vouloir aider le pays à rembourser ses dettes. Du sport maintenant avec des nouvelles de nos Diables Rouges. Vincent Kompany et Yann Vertonghen sont incertains pour le match amical que disputeront les Diables Rouges face à la Roumanie ce soir à Sclessin. Kompany a reçu un coup direct au genou et Vertonghen s'est légèrement blessé un orteil lors de l'entraînement hier matin. Alors Belgique ou Roumanie, verdict ce soir. Et puis bonne nouvelle pour Roger Federer. Le joueur s'est qualifié au sprint pour les quarts de finale du Master 1000 de Paris-Bercy en battant Richard Gasquet. Une victoire au terme d'une partie impressionnante hier. Score final 6-2, 6-4. Et puis allez, on s'évade un peu de notre belle planète et ses infos pas très réjouissantes pour faire un petit tour du côté de la planète Mars. La NASA a annoncé que Curiosity, un robot d'exploration très sophistiqué et puissant, serait lancé ce 25 novembre vers la planète Mars. Le but étant de chercher pendant près de 2 ans des traces d'une vie passée. Du côté de la météo, le soleil dissipera rapidement les voiles de brume des premières heures et permettra à nouveau aux températures de grimper nettement durant l'après-midi. Les températures oscilleront entre 10 et 14 degrés. Voilà pour l'info. Bonne journée à tous. Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Et oui, on vous rembourse vos factures cash sur Fun Radio. C'est comme ça que ça se passe chaque matin sur Fun Radio. Avec une petite matinée sans faute là ce matin, ça fait plaisir. On a appelé à 7h10, on a remboursé. On a appelé à 8h10, on a remboursé. On va appeler maintenant à 9h10. Et ben, j'espère qu'on partira pas sur une note négative. Allez hop, c'est parti, on rembourse combien Tof? Nous remboursons 45 euros. 45 euros, très bien. Alors, plus d'une centaine d'euros déjà remboursés ce matin, 110, 120. Oui, allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Qui paye les factures le matin? Oui, bah, c'est Fun Radio. Eh ben oui, voilà la bonne réponse. Comment tu t'appelles? Ina. Ina, salut Ina. Est-ce que tu es aussi bien que Ina qui fait des chansons? Réponds oui. Oui, d'accord, oui. Ok, très bien, parfait. Bon, Ina, t'as quel âge? T'es dans quelle ville? Je suis de Liège et j'ai 30 ans. D'accord, sois la bienvenue Ina de Liège. C'est sur 99 FM qu'on écoute Fun Radio à Liège. Et donc, on va te rembourser ta facture, 40, tu m'as dit 45 euros. Oui. C'est pour payer quoi? En fait, c'est pour payer pour une sortie pour la petite à l'école. Quelques mois, oui. D'accord, ok. Eh ben écoute, pas de problème, on va te rembourser ça, il n'y a aucun souci, on va t'expliquer aux antennes comment ça marche, pas de problème. Ok, c'est gentil, merci. Salut beaucoup, Ina, merci, gros bisous, oui. Et passe une bonne gros journée. Bisous, et puis bah, les autres, oui. Et ben voilà, oui. Et puis les autres, si vous voulez faire pareil, n'hésitez pas, hein, vous nous envoyez votre message, 6322 en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Exactement, c'est l'horoscope ce matin et même ce 11 novembre. Évidemment, il faut savoir qu'il y a un horoscope, n'est-ce pas, Dodo? Oui, alors là, encore une fois, je me suis fait avoir. Hein. Vous m'avez dit que ce serait congé, c'est pas congé. Hein. Oui, bon, enfin, c'est congé, mais c'est pas pour les deux, trois pauvres horoscopes là, que vous faites. C'est pas ah non plus oui, la mort. Mais c'est quoi. Pareil, hein. Moi, je fais que trois horoscopes la semaine, alors moi, je pense que j'avais congé. Oui, bon, bah arrêtez de discuter. Même bon. Julie, elle est pas là. Oui, bah Julie n'est pas là, bah c'est comme ça. Bon, elle allez, c'est pas grave. Elle est très jolie, la madame qui la voit en place. Oui, hein, je vous la présenterai si ah, vous voulez. Avec plaisir. Voilà, Marie-Audrey, je vous la présenterai. Bon, alors, Doudou, on va commencer par les béliers ce 11 novembre. Oui, alors les béliers, ça ne vous aidera en rien de repousser les problème. Très bien. Les taureaux. Mettez vos comptes par écrit, ça vous aidera. Les gémeaux. Vous avez le sentiment que votre vie tourne au ralenti et ça ne vous convient pas, alors bougez vos fesses. Les cancers. Aujourd'hui, vous avez besoin de beaucoup de câlins. Si vous êtes cancer, appelez-moi. Mais on imagine bien, Dodo. Les lions. Laissez tout en plan et concentrez-vous sur vous-même. Les vierges. Soyez prudents. Votre partenaire et votre famille sont de bons soutiens pour les temps difficiles que vous traversez. Les balances. Des bonnes idées vont avoir des conséquences positives sur votre vie professionnelle. Les scorpions. Soyez plus optimistes, cela vous aidera. Les sagittaires. Travaillez un peu à votre faculté de faire des compromis. Les capricornes. Si vous vous mariez aujourd'hui, partez du principe que cette union ne durera pas longtemps. Les verseaux. Prenez l'avis de votre partenaire. À deux, on voit mieux. Et enfin, pour terminer, les poissons, Dodo. Vous avez besoin de repos. Beaucoup de sommeil et une alimentation légère vont vous aider ce week-end. Ah ouais, vous êtes poisson, Dodo? Ah non, pas du tout, mais moi, je prends toujours le signe qui m'arrange. Ah d'accord. Bon, ben merci pour cet horoscope. Ben de rien, mais plaisir. Enfin, plaisir vite fait, quoi. Oui, ben on l'imagine bien. Allez, au revoir. Oui, au revoir, au revoir. Mickaël, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit... Mickaël, à la radio. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Et puis nous allons prendre Joseph qui est avec nous maintenant, 23 ans de Joseph Liège. Ne répond pas. Eh Joseph bah, quoi, bah, dis donc, très bien, 23 ans de Liège qui voulait faire une déclaration express à sa cousine Laetitia. Donc quelque à chose. Sa cousine. Oui, c'est un peu d'inceste, oui. Enfin rien de oh bien non, grave. Bah... Non, c'était juste une déclaration parce que je sais pas pourquoi, mais enfin bon. Ah, on va appeler, moi, je trouve qu'il n'y a pas de mal de temps en temps à découvrir sa sexualité c'est avec ça. Sa cousine. Bon, on va appeler Laetitia maintenant. On y va pour la déclaration express de la part de Joseph, 23 ans de Liège. Et puis bah on verra ce qu'elle va en penser. Allez, c'est parti, on appelle Laetitia? Oui, c'est parti. Allez, et puis il y aura une troisième devinette qui colle dans un instant. Alors, ça ne téléphone pas. Ça... Il y aura encore des écrans plats à gagner, bien sûr. Et... Allô? Allô, Laetitia? Oui. Salut, Laetitia, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, ça va bien? Oui, bonjour. Oui. Bonjour, Laetitia, tu sais pourquoi je t'appelle? Ah non. Non, eh ben je vais te le dire. Parce que tu as un cousin qui s'appelle Joseph, c'est ça? Oui. Qui n'a pas beaucoup de couilles, oh, on peut le dire. Hein, puisque il nous avait demandé une déclaration express pour toi, Laetitia. Pour te déclarer, pour te déclarer je ne sais pas quoi, mais en tout cas, écoute-la. Cette déclaration est pour toi, Laetitia. Sur Deepside DJs. Qu'est-ce que tu fais? Arrête ça tout de suite. Bah, il faut faire le oh et il l'a pas fait. Arrête ça tout de suite. Bien que je le fasse. Tu sais que t'es trop bonne. Mais bon, t'es pas cochonne. En plus, t'es qu'une ivrogne. Ça, c'est bon ça. Et comme un facochère, tu grognes. T'étais sur le podium, le podium, le podium. Tu chauffais tous les hommes, tous les hommes, tous les hommes. Ton verre de vodka pomme, vodka pomme, vodka pomme. Il te rendait vraiment trop conne. Y'a un truc qui m'étonne, qui m'étonne, qui m'étonne. C'est que pour une pochetronne, une pochetronne, une pochetronne. T'es vraiment fort mignonne, fort mignonne, fort mignonne. Mais non, c'est pas vrai, je déconne. Ah, donc visiblement, tu as quelques tendances à boire facilement, Laetitia. Mais pas du tout. Apparemment, tu as la descente facile, paraît-il, d'après ton cousin. Pas vraiment, mais enfin... Pas vraiment, mais bon, en tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. Bon, ben, c'est dommage qu'on n'arrive pas à le joindre, malheureusement. Je crois qu'il a peur de ta réaction, il a peur que tu le frappes. Oui, mais c'est pas très sympa, quoi. Oh, c'est pas très grave. Bon, Laetitia, je te fais des gros bisous, en tout cas. Merci beaucoup. Salut Laetitia. Et puis Joseph, si tu nous écoutes, hein, sache que tu n'as pas eu les couilles, c'est bien dommage. Si vous aussi, vous voulez faire une déclaration d'express à votre copain, votre copine, ou pourquoi pas à la famille, tiens, n'hésitez pas, ou une déclaration de rupture, n'hésitez pas à joindre l'OEB, loeb@funradio.be, ou alors un petit SMS au 3044 en débutant votre message par déclaration. Même au prof de maths, n'importe qui. Hein. Ah ouais, on peut faire des déclarations au prof, bien sûr. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Mickaël, à la radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. Les infos Fun Radio. Marie Audrey. Bonjour à tous. Les Belges sont réputés pour leur côté festif. Et bien, ce sont les fêtards de Tournai qui vont être déçus. Le bourgmestre a décidé que les cafés et les lieux festifs devraient fermer à 3h du matin le week-end. Une mesure qui vise à limiter le nombre de bagarres de plus en plus fréquentes ces dernières semaines. Puis, comme l'expression le dit si bien, l'habit ne fait pas le moine. Un entrepôt désinfecté était supposé abriter de la marchandise destinée aux brocantes. Seulement voilà, ce sont plus d'un millier de plants de cannabis qui ont été découverts dans cet entrepôt situé à Marchais-Nopon, non loin de Charleroi. Un suspect a été interpellé et placé sous mandat d'arrêt. L'enquête pourrait mener à d'autres interpellations compte tenu de l'importance de cette installation. Et c'est pas le cas de le dire. Coup de pression sur les négociateurs, c'est un très long week-end qui les attend. Les représentants des six partis se retrouveront dès 15h pour un conclave budgétaire. En clair, ils doivent trouver 11 milliards d'euros en 3 jours, une somme nécessaire pour clôturer le budget 2012. Voilà une bonne raison d'accélérer le mouvement. Après les CD, les DVD, les posters et autres objets de collection, place au lit de mort de Michael Jackson. Le lit dans lequel la star a poussé son dernier soupir ainsi que de nombreuses autres pièces de mobilier de sa maison seront mis aux enchères au mois de décembre. On peut se demander jusqu'où la famille Jackson ira. Et puis si vous avez prévu de prendre l'avion le 21 novembre, eh bien cette info vous concerne. En effet, il y a de fortes chances pour que le personnel de la compagnie Brussels Airlines fasse grève ce jour-là. En cause, eh bien l'incertitude du personnel quant à l'avenir de la compagnie. De nombreux vols en hiver seront probablement annulés pour tenter de sortir Brussels Airlines du rouge. À défaut d'éclaircissement sur la situation, le personnel maintiendra donc la grève ce 21 novembre. Et puis les Belges ont le pied lourd, c'est une certitude. En 2011, près de 105 000 PV ont été enregistrés pour excès de vitesse, soit plus du double de l'année passée. Et c'est en province de Liège qu'ils sont plus nombreux. Ils effectuent à eux seuls plus de 40% des constats. À Namur, c'est qui fonctionne le mieux avec 14 383 flashs effectués. À croire que vous êtes nombreux à vouloir aider le pays à rembourser ses dettes. Du côté de la météo, le soleil dissipera rapidement les voiles de brume des premières heures et permettra à nouveau aux températures de grimper nettement durant l'après-midi. Les températures oscilleront entre 10 et 14 degrés. Voilà pour l'info. Une bonne journée à tous. Fun Radio. Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Tous les soirs entre 17h et 20h, c'est Evan et toute la tribu avec Monsieur Milan notamment. Et il y a aussi Julien Dorien, ce grand intervieweur qui est bien évidemment toujours grand journaliste même. Hein, au-delà, au niveau du niveau, au-delà de Julie qui est sur le terrain, constamment sur le terrain, oui, prêt à répondre à toutes les questions possibles et inimaginables. Mm-hmm. Ça se passe tous les soirs chez Evan et tous les matins à 8h40 dans Mickaël à la radio. Et l'info du jour s'est passée à Liège avec un bureau de poste qui a été évacué à la suite de la découverte de plusieurs enveloppes contenant une poudre suspecte. Nous avons donc demandé à Julien Dorien, notre envoyé spécial, de s'y rendre. Julien ? Oui, Evan, je suis sur place. Après avoir recueilli des informations, je peux vous affirmer que l'évacuation s'est bien passée. Elle a duré près de 2 heures. 2 heures ? Deux heures pour évacuer un bureau de poste ? Mais c'est énorme ! Ah mais oui, mais vous savez, évacuation ou pas, cela reste un bureau de poste. Il a donc fallu réveiller la dizaine d'employés qui étaient dans les bureaux. Quoi, les employés dormaient ? Non, non, non. Après leur avoir posé la question, ils m'ont répondu qu'ils réfléchissaient. Bon, très bien, merci, ça fait plaisir. Julien, vous avez eu des informations, c'est ce qui nous intéresse quand même, concernant les enveloppes qui contenaient visiblement de la poudre suspecte. Oui, écoutez, Evan, je me suis procuré cette fameuse poudre car les analyses prenaient trop de temps et je vous propose tout de suite de découvrir ce que c'est. Eh, mais qu'est-ce que... Julien, qu'est-ce que vous faites ? Oh, je la sniffe, je la goûte, à l'envoi, à l'envoi ! Et vous n'êtes même pas sûr que c'est de la drogue, et même si ça en était, vous n'allez quand même pas vous droguer là, maintenant, c'est quand même de la radio, vous faites du journalisme, Julien ! Eh bien, de une, cela s'appelle du journalisme d'investigation, je m'investis à fond pour mon boulot. De deux, quelle est la seule poudre qui permet de vous réveiller 10 personnes qui dorment dans un bureau de poste ? De la coke ! Donc je savais ce que je prenais. De trois, je suis... Et de 4, je vais devoir faire une petite. Bon, stop Julien, on arrête là hein. Ça suffit. Coupez-le, monsieur Milan. Merci Julien hein. Et voilà, Julien Doria qui sera de retour évidemment dès demain et dès ce soir aussi avec Evan et toute la tribu à partir de 17h sur Fun Radio. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil ? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 0013. Fun Radio. L'année anti-relou chaque matin sur Fun Radio à 7h-, 8h-, et 9h-, avec les meilleurs messages qui ont été laissés sur cette ligne anti-relou justement. La ligne anti-relou fonctionne pour tous, toutes et tous. Car oui, on peut donner la ligne anti-relou à un relou qui vient vous draguer dans un bar, dans une boîte, etc. Mais on peut également donner le numéro de la ligne anti-relou à n'importe quelle personne qui vous voudrait du mal. Voilà, qui vous veut du mal ou simplement qui veut vous prendre la tête. Genre par exemple le banquier, hein, par exemple. Ouais, enfin, un relou quoi. Qui vous signale un découvert. Par exemple, je sais pas, votre prof ou le directeur d'école qui voudrait éventuellement signaler un problème, une absence. Hein, genre à la place de donner le numéro de maman, vous donnez le numéro de la ligne anti-relou. C'est ça. C'est voilà. Ça, c'est faux. Oui, ah, ma maman a changé de numéro. Mais oui, bah, je vous le donne le numéro. C'est pas une bonne manne, ça. Je vous donne le nouveau numéro de ma mère. Le directeur va être content, il va se dire ah, quand même, il nous tient au courant, c'est un bon élève, c'est pas mal. Bon, ben voilà, si vous voulez ce numéro, 0473 86 0013, numéro à retenir, bien sûr. Et on va écouter maintenant le premier message. Oui, Christine, t'appelles, donc on va se revoir. T'as envie de me revoir au moins? Je pense que t'as envie de me revoir. On va passer une très bonne soirée quand même, hein? Ouais, tu me trouvais un peu lourd, mais bon. Oui. C'est très bien, je te l'ai dit, c'est ça mon charme. La lourdesse. De toute façon, dommage pour toi que je t'ai pas accompagné, parce que moi, dans ma voiture, j'ai le CD, j'ai une clé USB, j'ai Internet, j'ai tout le bazar. C'est dommage pour toi. Mais bon, on verra bien. Ah oui, je te laisse. Je te remercie beaucoup. Tu m'appelles demain, hein? Tu m'appelles demain, hein? Ouais, donc tu vas m'appeler. Je sais que tu as envie de moi. Ça se voit. Ça se voit. Mais bon, c'est vrai que j'étais un peu lourd. Bon. Ouais. En fait, t'auras personne. Allez, ciao, hein, bisous. Hein. Tu m'appelles, hein? Attention, moi je vais rappeler. Stop. Au revoir. Oh merde, le message est sans fin, quoi. Oh là là. Bah, il fait 56 secondes. Hein. Ah non, voilà. Mais j'aime beaucoup. Dans ma voiture, j'ai Internet. Écoute, il est super équipé. Hein. J'ai Internet et tout le bazar, hein, tu vas voir. Et ce qui est bien, c'est que il lui parle, mais il attend une réponse à chaque fois. Mais oui, forcément, le répondeur ne répondra jamais. Hein. Non. Bon, allez, encore un autre message là. Et voilà, retour de la ligne anti-relou, ce sera dans moins d'une heure sur Fun Radio. Mickaël à la radio, le replay. Et ce matin, on va faire chier du monde. Hein. On va faire chier qui ? Alors, on va appeler qui ? Bah, on va appeler des braves gens ce matin. Oui, d'accord, mais pour leur faire quoi ? Bah, Julie vient de le dire, on va arrêter le nucléaire. Hein, donc ça veut dire qu'il faut faire des économies d'énergie. Et je propose que ça commence ce matin. Ah, tu vas réveiller les gens pour leur dire quoi concrètement, en fait, alors ? Qu'on va couper ensemble tout ce qui ne sert à rien dans leur maison. D'accord. Bon, je suis pas sûr qu'ils soient super réceptifs. Ah, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Ouais, mais je suis pas sûr qu'ils soient super réceptifs. Ouais. Un 31 octobre à 6h56. Mais bon, pourquoi on verra. Pas, on verra. Appelle pour aider. C'est vrai. Ouais. Allez, voilà. On y va, on appelle, on y va. Couper le chauffage et l'eau chaude. Bah bien sûr. Ah, oui. Allô. Oui, bonjour monsieur. c'est qui ? Oui, bonjour, voilà, c'est le ministère de l'économie qui vous appelle. Oui, monsieur. En fait, je vous appelle parce que voilà, donc vous êtes au courant, la Belgique va sortir du nucléaire. C'est quoi ce bordel ? Eh ben, en fait, c'est-à-dire que comme la Belgique va sortir du nucléaire, il faut faire des économies d'énergie, hein. Et donc, comme nous avons changé l'heure, je vais vous aider à faire des économies ce matin, monsieur. Hein ? D'accord ? C'est quoi ce bordel ? Mais pas du tout, monsieur, c'est pour sauver la planète. Hein, donc on arrête le nucléaire, et donc c'est pour ça, monsieur, que je vous appelle, pour vous aider à économiser l'énergie chez vous. Et vous faites quoi pour ça ? Alors il faudrait que vous alliez vers votre tableau électrique, et nous allons éteindre les plombs de tout ce qui ne sert à rien. Ben, c'est pas possible, pour le moment je vais aller travailler, vous rigolez ou quoi ? Ah, mais oui, mais justement, monsieur, si vous partez travailler, c'est mieux de tout couper avant que vous ne partiez. Comme ça, vous consommerez beaucoup moins d'énergie. On s'en fout, quoi. De toute façon, on va tous crever quand même un jour. Ah oui, monsieur. Bon, je vous laisse parce que j'ai vraiment pas le temps de faire ce qu'il y en a de là au matin, quoi. Allez, au revoir, monsieur. Eh ben voilà, il a l'air motivé par la... Hein, sauver la planète. On va tous la crever, j'en ai rien à foutre. Arrête un peu de te faire chier à cette heure-ci. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins. Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Les infos Fun Radio. Marie Audrey. Bonjour à tous. Coup de pression sur les négociateurs. La Belgique pourrait être contrainte de devoir débourser 708 millions d'euros en janvier prochain si aucun budget et mesures structurelles d'économie ne sont déposées d'ici la mi-décembre. Bref, une sanction financière qui vise à rappeler à l'ordre les pays qui laissent déraper leurs finances publiques au-delà de 3% de leur richesse. 708 millions d'euros à débourser, voilà une bonne raison d'accélérer le mouvement et d'enfin boucler un budget pour l'année 2012 à bon entendeur. Et puis si vous avez prévu de prendre l'avion le 21 novembre, eh bien cette info vous concerne. En effet, il y a de fortes chances pour que le personnel de la compagnie Brussels Airlines fasse grève ce jour-là. En cause, eh bien, l'incertitude du personnel quant à l'avenir de la compagnie. De nombreux vols en hiver seront probablement annulés pour tenter de sortir Brussels Airlines du rouge. À défaut d'éclaircissement sur la situation, le personnel maintiendra donc la grève ce 21 novembre. Les Belges ont le pied lourd, c'est une certitude. En 2011, près de 105 000 PV ont été enregistrés pour excès de vitesse, soit plus du double de l'année passée. Et c'est en province de Liège qu'ils sont plus nombreux. Ils effectuent à eux seuls plus de 40% des constats. À noter toutefois que c'est le radar situé à Champion en province de Namur qui fonctionne le plus avec 14 383 flashs effectués. Cela a déjà rapporté plus de 5 millions d'euros aux finances publiques. À croire que vous êtes nombreux à vouloir aider le pays à rembourser ses dettes. Du sport maintenant. Avec des nouvelles de nos Diables Rouges, Vincent Kompany et Yann Vertonghen sont incertains pour le match amical que disputeront les Diables Rouges face à la Roumanie ce soir à Sclessin. Kompany a reçu un coup direct au genou et Vertonghen s'est légèrement blessé un orteil lors de l'entraînement hier matin. Alors Belgique ou Roumanie, verdict ce soir. Et puis bonne nouvelle pour Roger Federer, le joueur s'est qualifié au sprint pour les quarts de finale du Master 1000 de Paris-Bercy en battant Richard Gasquet. Une victoire au terme d'une partie impressionnante hier, score final 6-2, 6-4. Et puis du côté de la NASA, des infos pas très réjouissantes pour faire un petit tour du côté de la planète de Mars. La NASA a annoncé que Curiosity, un robot d'exploration très sophistiqué et puissant, serait lancé ce 25 novembre vers la planète Mars. Le but étant de chercher pendant près de 2 ans des traces d'une vie passée. Du côté de la météo, le soleil dissipera rapidement les voiles de brume des premières heures et permettra à nouveau aux températures de grimper nettement durant l'après-midi. Voilà pour l'info, je vous souhaite à tous une excellente journée. Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins. Paye vos factures. Et oui, chaque matin sur Fun Radio, 7h10, 8h10 et 9h10, on appelle en direct pour vous offrir la possibilité de rembourser cette facture justement. Facture à rembourser, il y en a pas mal qui sont arrivés, des factures justement depuis tout à l'heure. 6322 code facture, là il y avait 100 euros pour une amende, 40 euros pour l'électricité. On va rembourser combien là d'ailleurs, Tof? Nous allons rembourser 55 euros. 55 euros, d'accord, ok, très bien. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Oupla. Oupla. Eh oui. Ah voilà. Parce que j'avais une petite... Non, tu apprends toujours Oupla. Te servir dans tes deux mains. Allô ? Oui, allô ? Ouais ? Oui, bonjour. Qui paye les factures le matin ? Ah, ben c'est Mickaël. Oui, évidemment. Tu entends ce ton à chaque fois aigri que j'ai quand je les appelle ? C'est un peu agressif pour essayer qu'ils me raccrochent au nez en disant « Bon, on va économiser un peu d'argent. » T'essayes. Mais ça marche pas. Ah, ça marche jamais, c'est bizarre. Bon, salut, comment tu t'appelles ? Didier, on va te rembourser ta facture de combien, tu m'as dit ? 55 euros. 55 euros, c'est pour payer quoi ? C'est des livres d'Astérix que j'ai achetés dans un magasin de livres de vente par correspondance. Ah, t'en as acheté quand même quelques-uns alors. Ah, ouais, ouais. Pourquoi ? Mais t'es collectionneur ou c'est comme ça ? Disons que j'aime bien, je collectionne pas tout, mais ça j'aime bien, les prix sont intéressants. D'accord, ok. Eh ben écoute, facture de 55 euros qu'on va te rembourser, t'auras eu le livre gratuit, comme ça c'est bien. Ah, ben c'est gentil, Michel. Eh ben je t'en prie avec plaisir, Didier. On est dans quelle ville là, Didier ? Ben comme tout à l'heure, à Couillet. À Couillet, encore ? Ah, c'est le même ? Ah oui. Ah d'accord. Eh bah écoute, bah comme t'as perdu tout à l'heure, bah finalement t'as gagné maintenant, c'est une bonne chose hein. Didier, ah, bah écoute. Ah bah voilà. Eh bah voilà, tu vois, tu restes au standard Didier. Pourquoi puis le hasard fait bien les choses. Bah oui, pour le coup c'est vraiment le pifomètre hein. Parce qu'en plus c'est même pas le même SMS, donc c'est vraiment le hasard. Eh bah écoute Didier, tu restes au standard, on prend tes coordonnées pour te rembourser ta facture, d'accord ? Ça va, ok, Mickaël. Salut Didier, à bientôt. Mickaël, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Oh, alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein ? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit... Mickaël, à la radio. Tu m'as donné chaud là. Fun Radio. L'horoscope. Exactement, c'est l'horoscope ce matin et même ce 11 novembre. Évidemment, il faut savoir qu'il y a un horoscope, n'est-ce pas Dodo ? Oui, alors là, encore une fois, je me suis fait avoir. Hein. Vous m'avez dit que c'est un congé, c'est pas congé. Hein. Oui, bon, enfin, c'est congé, mais c'est pas pour les trois pauvres horoscopes là, que vous faites. C'est pas ah non plus oui, la mort. Mais c'est quoi. Pareil, hein. Moi, je fais que trois horoscopes la semaine, alors moi, je pense que j'avais congé. Oui, bon, bah arrêtez de discuter. Même bon. Julie, elle est pas là. Oui, bah Julie n'est pas là, bah c'est comme ça. Bon, elle allez, c'est pas grave. Elle est très jolie, la madame qui l'a en place. Oui, hein, je vous la présenterai si ah, vous voulez. Avec plaisir. Voilà, Marie-Audrey, je vous la présenterai. Bon, alors, Doudou, on va commencer par les béliers ce 11 novembre. Oui, alors les béliers, ça ne vous aidera en rien de repousser les poids. Très bien. Les taureaux. Mettez vos comptes par écrit, ça vous aidera. Les gémeaux. Vous avez le sentiment que votre vie tourne au ralenti et ça ne vous convient pas, alors bougez vos fesses. Les cancers. Aujourd'hui, vous avez besoin de beaucoup de câlins. Si vous êtes cancer, appelez-moi. Mais on imagine bien, Dodo. Les lions. Laissez tout en plan et concentrez-vous sur vous-même. Les vierges. Soyez prudents. Votre partenaire et votre famille sont de bons soutiens pour les temps difficiles que vous traversez. Les balances. Des bonnes idées vont avoir des conséquences positives sur votre vie professionnelle. Les scorpions. Soyez plus optimistes, cela vous aidera. Les sagittaires. Travaillez un peu à votre faculté de faire des compromis. Les capricornes. Si vous vous mariez aujourd'hui, partez du principe que cette union ne durera pas longtemps. Les verseaux. Prenez l'avis de votre partenaire. À deux, on voit mieux. Et enfin, pour terminer, les poissons, Dodo. Vous avez besoin de repos. Beaucoup de sommeil et une alimentation légère vont vous aider ce week-end. Ah ouais, vous êtes poisson, Dodo. Ah non, pas du tout, mais moi, je prends toujours le signe qui m'arrange. Ah d'accord. Bon, ben merci pour cet horoscope. Ben de rien, avec plaisir. Enfin, plaisir vite fait, quoi. Oui, ben on l'imagine bien. Allez, au revoir. Oui, au revoir, au revoir. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Le replay. Fun Radio. Comme chaque lundi, il faut qu'on revienne sur cette grande émission du vendredi, qui est donc... L'amour est aveugle. Exactement, voilà. Et la semaine dernière, il y avait encore des champions du monde. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu cette émission culturelle, le principe est assez simple. Trois filles, trois garçons qui cherchent l'amour dans une grande maison. Mais ils ne se rencontrent que dans le noir. Et vous, qu'en pensez-vous ? L'amour peut-il être aveugle ? C'est ce qu'ils vont vérifier. Maintenant. Oui, merci Arnaud, je venais juste de le dire. Tellement les boules, c'est ah, grave, grave. En plus, il a une tête bizarre. Enfin bref. Vendredi, c'est une spéciale philosophie. Alors d'abord avec France, hein, qui nous décrit son homme idéal. Je cherche un homme qui aurait le physique de Brad Pitt et l'intelligence d'Aristote ou de Platon. Ouais. Bon, pour Brad Pitt, on est sûr, hein, mais pour Aristote et Platon, pas sûr qu'elle sache vraiment qui sont ces personnages, en fait. Bah, c'est surtout que si elle avait su que Platon était à l'origine de l'amour platonique, elle n'aurait peut-être pas pris ça comme exemple. Ouais, c'est hein. Ça, enfin, moi, en je fait, dis hein. Ça. Ouais. Bon, enfin, c'est pas tout. Hein. Niveau philo, on a aussi Alexandra. Alors, écoutez bien. Interrogation écrite. L'émotion qui peut se passer entre deux corps dans le noir n'a pas forcément besoin d'être vue pour être ressentie. Voilà. Qu'a voulu dire Alexandra ? Vous avez deux heures pour plancher. On reprendra les copies. Okay. À 11h30. Non, mais au moins... La musique d'Harry Potter en plus. Ouais. Ah oui, mais ça fait peur. Bon, au moins une chose est sûre, elle a bien compris le principe du jeu, c'est qu'on ne voit pas dans le noir. Oui, c'est vrai. C'est bien. Allez, maintenant on va passer aux garçons qui eux aussi ont beaucoup de choses à dire sur les filles évidemment. Hein. Ce qui me déplaît chez les femmes, je parle d'une manière générale, hein, c'est qu'elles osent se montrer indépendantes mais elles sont capables de rien faire toutes seules. On a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont pas capables de faire cuire un œuf sur un. Et oui, de faire fuir un œuf. Et on va le prouver immédiatement. Julie, peux-tu faire fuir un œuf, s'il te plaît? Non, je ne sais pas, Mickaël. Oh mince. Je suis vraiment désolée, je ne sais déception pas. Déception totale. C'est là qu'on voit qu'il avait raison. Hein, les femmes d'aujourd'hui ne savent pas faire fuir les œufs. Et pour finir, on va prendre l'avis de Grégory qui vient de voir Agnès. J'ai pas envie d'être méchant, je suis pas méchant, mais c'est pas du tout mon style de fille, du tout. Quoi. Ah non, mais je pourrais pas la présenter à ma mère, de toute façon. C'est une boule à facettes. Mais c'est trop. Agnès, en fait, c'est trop. Eh oui, en tout cas, une chose est sûre, c'est trop. Voilà. Il est pas méchant. Voilà, non. Non, bah, au moins, c'est clair. C'est un mec sympa. Non, mais on sait qu'elle est trop, quoi. Tu vois, voilà, c'est trop. Il y a un moment, faut pas chier plutôt. On sait que c'est trop. 9h28 sur Fun Radio. Dans un instant, il y aura Lucas. Donc, le retour de l'amour est aveugle. Ce sera la semaine prochaine, bien sûr. Et demain, grand moment, puisque demain, nous décortiquerons L'amour est dans le pré. Que d'amour. C'est beau. C'est ça, c'est beau. Mais l'émission n'est faite que d'amour. Mais oui, de l'amour et trop d'amour. J'aime venir ici travailler avec cet amour. C'est vrai, mais tu fais bien d'ailleurs. Mickaël à la radio. Bonjour Mickaël, c'est Alizé Poulitschek. Je voulais te dire quelque chose. Je t'aime. Mickaël. À la radio. Il vous manque déjà ? Mais c'est un cauchemar. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio. C'est l'événement Dance Floor de l'année. Star Floor. Le 26 novembre, avec entre autres Ina. Ina. Hi, this is Ina. Pitbull. Alexandra Stan. Tayo Cruz. Hi, this is Tayo Cruz. Florida. Colonel Rayen. Et Jason Derulo. Toute cette semaine, Fun Radio vous invite à cet événement incroyable. Avec la personne de votre choix. Tout est compris. Transport, hôtel, petit-déj et vos deux entrées. Vous en voulez plus ? Fun Radio vous offre aussi la rencontre avec Jason Derulo. Un tête-à-tête dans l'intimité de sa loge. Pour gagner ce City Trip Live de folie à Paris, envoyez le code STAR au 6322. 1€ par message. Si vous passez à l'antenne, vous gagnez d'office deux entrées pour l'événement Dance Floor de l'année. Dance Floor. Mais si Mickaël vous appelle le 14 novembre, à vous le City Trip Live à Paris. Star Floor. Le 26 novembre, un événement Fun Radio, le son Dance Floor.